J'ai rangé tout ce qui traînait, poussé les meubles et les regrets pour faire le vide. J'ai mis au bord de ma fenêtre, prête à tomber, tous les peut-être, tous les non-dits. Mais dans les choses que j'ai gardées, je laisse l'amour à ta portée. Tu n'auras plus qu'à te servir. Tu devrais venir voir. Et même si c'est trop tard, me voici, je suis prêt, je voudrais vivre à tes côtés. Tu devrais venir voir, comme depuis ton départ, j'ai fini par changer, tu pourrais vivre à mes côtés. Tu devrais venir voir. J'ai mis du blanc sur tous les murs, mon amour propre sous la peinture, pour qu'on l'oublie. J'ai fait le lit à mon image, un peu froissé sans ton passage, sans nos deux rires. Et dans les choses que j'ai trouvées, j'ai le bonheur que tu cherchais. Moi je n'ai plus qu'à te l'offrir. Tu devrais venir voir. Et même si c'est trop tard, me voici, je suis prêt, je voudrais vivre à tes côtés. Tu devrais venir voir, comme depuis ton départ, j'ai fini par changer, tu pourrais vivre à mes côtés. Tu devrais venir voir, et même si c'est trop tard, me voici, je suis prêt, je voudrais vivre à tes côtés. Tu devrais venir voir, comme depuis ton départ, j'ai fini par changer, tu pourrais vivre à mes côtés. Tu devrais venir voir, je voudrais te montrer. Il nous reste quelque part un endroit pour s'aimer.